c'est la crème de la crème. Marvin, DJ Jacob, Marginal Sosa, tout le monde sur la piste. Sajao, Sajao, Sajade, Sajade, Poupée décalée, Sajou, Sajao, Sajao, Sajade, Sajade, Poupée décalée. On est venu pour s'amuser, faut pas nous déranger. Pas de problème. Le son vient de la terre, mère venue tout arranger. Ça c'est la vérité. Ladies and gentlemen, levez-vous pour accueillir les men. La crème de la crème sur la piste, ça crame. Allez leur dire, on a le son qui va. Tcha, Sajao.